anges sur la terre, chapitre 8. Une victime de la fatalité. Loin d'une sphère où il eût tant aimé à vivre, forcé de rester, sans espoir d'en sortir un jour, dans un cercle de gens si peu faits, selon lui, pour apprécier sa valeur, Tiburcio était fort malheureux à Villamar. L'amour-propre et cette fausse idée qu'on se fait souvent de soi-même avaient persuadé à ce garçon qu'il était appelé à de hautes destinées et que, conséquemment, il devait se considérer comme une victime de la fatalité qui le clouait sur ce rocher de Villamar où, nouveau Prométhée, il était en butte aux attaques d'un vautour qui, sous la figure de sa mère, dévorait, sinon ses entrailles, au moins ses illusions et ses espérances. Tiburcio se croyait propre à tout et n'était propre à rien. Il manquait de moyens naturels. Quant à la science acquise, ce n'était qu'à grand-peine qu'il avait appris le strict nécessaire, non pas pour devenir un Salomon, un Lycurgue ou un Alphonse le Savant, mais pour coiffer ce simple bonnet de docteur qui avait coûté 2000 piastres à son père et que sa mère eût volontiers donné pour moins de 2 piécettes. Le modeste jeune homme ne s'en croyait pas moins supérieur à tout le monde, et quand les hommes sont attaqués de cette triste maladie de l'orgueil, on peut les regarder comme en état d'apoplexie ou de paralysie morale. L'amour-propre, chez certaines gens, prend des proportions vraiment fabuleuses, et on refuserait d'y croire si on en avait chaque jour de nombreux exemples sous les yeux. La chose est triste à dire, mais elle existe. Ainsi, Tiburcio avait la prétention d'être connaisseur en musique et il manquait totalement d'oreille et n'avait jamais brillé que par son absence à l'opéra de Séville. Il jouait l'homme politique et était aussi ignorant en histoire ancienne qu'en histoire moderne. Il se targuait d'être linguiste sans autre droit à ce nom que celui d'affecter la prononciation madrilène. Il avait surtout la prétention d'être un poète et il manquait totalement des qualités qui constituent la poésie. Un cœur ardent, une imagination fleurie, l'art de traduire en vers les inspirations du cœur. Il avait çà et là pillé quelques vulgarités qu'il avait rimées sans âme et sans talent. Et il se croyait un poète avec un cœur glacé. Jamais cet homme, qui se disait poète, n'avait pensé à visiter les ruines poétiques du magnifique couvent à la porte de son village. Jamais il n'avait médité sur cette imposante momie, sur ce noble lys courbant sous le malheur, sa tête fanée et sans parfum. Jamais il n'avait visité les ruines de ce vieux fort, image des grandeurs déchues. Jamais il n'avait pleuré sur les débris de cette tour, qui, comme un vaillant guerrier, avait longtemps résisté, seul et sans secours aux attaques du temps. Et, succombant enfin, caché sous le gazon, ses débris mutilés, comme le gladiateur qui succombe dans l'arène s'enveloppe de son manteau pour cacher son agonie. Et il se croyait poète. Jamais cet homme n'avait assisté avec amour au lever du soleil, ni à son coucher, quand il descend majestueusement dans la mer. Et il se croyait poète. Jamais enfin il n'avait élevé vers le Créateur de tant de merveilles un cœur plein de reconnaissance, une âme assez heureuse pour savoir le connaître, l'apprécier et le bénir. Pour cet être vulgaire, la tante Maria, Ce type de la charité chrétienne n'était qu'une vieille radoteuse. Le frère Gabriel, cette personnification du prêtre fidèle à ses devoirs, qu'un moine ignorant et stupide. Enfin, Don Modesto, l'honorable commandant de la forteresse, un vieux et ridicule soldat. Malgré ses vers amoureux, dans lesquels Vénus et Cupidon jouaient le principal rôle, Tiburcio était incapable de comprendre la délicatesse et les sentiments d'une femme. Aussi, depuis longtemps, s'était-il éloigné de cette suave et charmante créature, sa novia d'autrefois, qui conservait encore pour lui un tendre sentiment. Résolu qu'il était à ne pas épouser une grossière villageoise, ainsi traitait-il sa prétendue, le futur ministre voulut en finir avec ce projet de mariage qui l'offusquait, et c'est ce qu'il fit, avec toute la délicatesse qui le caractérisait, un certain jour où sa mère exprimait devant lui l'opinion qu'il fallait songer sérieusement à la noce. Mais, pour procéder par ordre, nous allons relater la scène qui donna lieu à cette résolution. Un certain jour, la Tiburcia rentra chez elle, tout essoufflée, portant entre les bras, comme un nouveau-né, un panier de tomates, dont l'anse lui était restée dans les mains au milieu de la rue. À son teint, plus rouge que le contenu de son panier, on aurait pu la prendre elle-même pour l'impératrice des tomates. « Depuis la mort du frère Gabriel, exclama-t-elle en entrant, il ne se fait plus un bon panier à Villamar. C'est vrai, les voleurs. Il vaudrait beaucoup mieux, perfecto, prendre un arrêté pour ordonner de mieux confectionner les paniers que de donner des festins. C'est vrai. Que fais-tu là, paresseux ? Dit-elle ensuite à Tiburcio. Rien, et toujours rien. Tu es là, les bras croisés, comme si l'homme n'avait pas été créé et mis au monde pour travailler et la femme pour enfanter. C'est vrai. Tu es toujours là, comme un âne en peine. Perfecto, il est temps de marier ce garçon. Peut-être le mariage le dégourdira-t-il un peu. J'en ai conféré avec la commère Bélène, et elle pense, comme moi, qu'il est temps de songer à la noce. Me marier, moi? Y songez-vous, ma mère? Fit Tiburcio d'un air dédaigneux. Quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Tu ne veux pas épouser Kela Lopez, la plus riche et la plus jolie fille du village? Es-tu tentée du démon? Exclama Tiburcia stupéfaite. L'homme est libre de ses actions, répliqua d'une voix grave l'honorable Civico Junior. Que dis-tu là, garçon? S'écria de nouveau la mère. Est-on libre quand la parole est engagée? Quand on n'a que 24 ans? Et qu'on est encore sous le pouvoir paternel? Tu ne gagnes pas seulement le pain que tu manges, et tu veux être libre? Ah, perfecto, perfecto! Si c'est là ce qu'on appelle la liberté, que le diable l'emporte! Mais Tiburcia, dit en s'interposant l'alcalde, qui voyait s'élever une horrible tempête à l'horizon du domicile conjugal. Mais enfin, Tiburcia, un père ne peut forcer son fils à se marier contre son gré. Si Tiburcio n'est pas amoureux de Kela. Sottise que tout cela, répondit la Tiburcia de sa robuste voix. Étais-tu amoureux de moi quand tu m'as épousée? Et n'en avons-nous pas moins fait bon ménage, grâce à Dieu et à Saint-Antoine? Le garçon a des vues plus élevées que moi, objecta Don Perfecto. Qu'est-ce que tu viens me chanter là? « Avec tes vues plus élevées ?» s'écria Tiburcia, les mains sur les hanches. « C'est-à-dire, répliqua doucement Civico, qui commençait à trembler pour lui-même, c'est-à-dire que si, par hasard, l'enfant voulait suivre une carrière, s'il lui fallait quitter Villamar, je ne m'y opposerais pas. »« Une autre carrière ?» fit la Tiburcia. « Eh bien quoi ? Voudrait-il pas être curé ? Il veut, dit enfin l'alcalde, se consacrer à la haute politique. Et combien gagne-t-on à ce métier-là ? Demanda Tiburcia. C'est selon, répondit le mari. Peut-être beaucoup, peut-être rien, interrompit la femme. Je n'entends pas de cette oreille. Mieux vaut un gars médiocre, mais assuré, comme ce que tu gagnes dans ton métier de maréchal. De vétérinaire, exclama l'alcalde, désespéré. Va-t'en au diable, répondit sa moitié. Je crois vraiment que pour ferrer tes bêtes, il te faudra bientôt des gants jaunes, comme ceux que porte ton fainéant de fils. De penser que chaque père coûte une demi-piastre, il n'y a vraiment pas de bon sens. À quoi cela te sert-il pendant l'été, où il ne fait pas froid ? Bourreau d'argent, panier percé, dont les fantaisies sont plus coûteuses que celles d'un marquis. Ce n'était pas assez de payer un bonnet, il faut encore payer des gants ? Et voilà à quoi passent les écus de l'oncle Bartholomé. Ce garçon n'est seulement pas en état de gagner son pain, et il ne songe qu'à gaspiller l'argent, au lieu de travailler. C'est vrai ! Travailler ? Répliqua Civico Junior. Je travaillerai quand je serai dans une sphère, dans un cercle d'action, en rapport avec mes connaissances, en analogie avec mes goûts. Que dit-il, perfecto ? Demanda la mère, qui n'avait pas compris un mot aux grandes phrases de son fils. Il dit, femme, répondit l'alcalde impatienté, que ses études lui serviront pour travailler, mais non pas pour un travail manuel. C'est cependant le meilleur et le plus lucratif. Il vaudrait mieux regarder les bêtes aux pattes que les gens en face, et rester comme son père, un marais, un vétérinaire, s'empressa d'achever l'alcalde. Sans doute, femme, je ne dis pas non, mais à présent cela n'est plus possible. Ce garçon a dirigé ses études d'un autre côté. Il est avocat. Il faut qu'il mette à profit ce qu'il a appris. Belle science, maudit bonnet, maudit gant, grommela la Tiburcia. Enfin, dit-elle plus haut, puisqu'il n'y a plus de remède, m'est avis que tu t'en ailles à Séville et que tu sollicites pour ton fils la place du maître d'école qui est malade et ne peut plus la remplir. À ces mots, Tiburcio, ne pouvant plus contenir son indignation contre l'indigne auteur de ses jours, se précipita hors de la chambre. Sottise, sottise, pas autre chose que sottise, le bonnet, les gants et tout le reste, lui cria la mère, et que le diable les emporte avec toi.